Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zande. 12e épisode. Dans le monde bigarré de la pêche baleinière, les personnalités originales sont légion. Le Pequod croisa un jour le Jéroboam de Nantucket qui avait repéré et chassé Moby Dick. Ce navire avait à son bord un illuminé, un membre de la secte des Shakers, ravagé par une folie profonde qui lui faisait jouer avec habileté et grandiloquence le rôle de prophète du cachalot blanc qu'il tenait pour son dieu incarné. L'archange Gabriel, tel était le nom sous lequel il s'était présenté, avait acquis sur l'équipage superstitieux un puissant ascendant. Et le jour où le second du Jéroboam, lancé à la poursuite du terrible cachalot blanc, fut tué net par un coup de queue de l'animal, les plus crédules des marins, pensant que les prédictions de l'archange se réalisaient, se mirent à l'adorer comme un dieu. As-tu vu le cachalot blanc ? L'étranger auquel s'adressait notre capitaine était un navire de belle taille, la Rachel, qui laissait porter droit sur nous ses vergues chargées de grappes de matelots. Ohé, du navire ! As-tu vu le cachalot blanc ? J'ai vu, hier ! Et toi ? As-tu vu un canot en dérive ? Non, il n'avait pas repéré de canot en dérive. Impatient d'en savoir davantage, Akab serait volontiers monté à bord de ce navire si l'autre ne l'avait devancé. En quelques vigoureux coups d'aviron, l'étranger fut sur le pont du Pequod. Akab le reconnut alors. C'était Gardiner, un marin de Nantucket qu'il connaissait vaguement. Ils se dispensèrent des saluts d'usage. Où était-il ? Tu ne l'as pas tué ? Tu ne l'as pas tué ? Que s'est-il passé ? Hier, tard dans l'après-midi, trois de nos pirogues poursuivaient une troupe de baleines à 4 ou 5 milles du navire. Soudain, la bosse et le front blanc de Moby Dick émergent des eaux, non loin de là. Nous mettons à la mer notre quatrième baleinière la plus rapide, qui se lance à sa poursuite. L'homme de vigie jugea qu'elle avait réussi à planter un fer, car il vit dans le lointain le canot s'amenuiser peu à peu, jusqu'à n'être plus qu'un point minuscule, puis l'éclair d'une écume bouillonnante, et plus rien enfin. On jugea que le cachalot blessé s'était lancé dans une fuite éperdue avec ses chasseurs à ses trousses, comme il arrive souvent. Puis, on s'inquiéta. Peu après, on hissa les signaux de rappel et la nuit tomba. Le navire alla d'abord rechercher ses trois pirogues loin au vent, avant de se mettre en quête de la quatrième, qui se trouvait dans la direction opposée. Il abandonna donc ce canot à son sort jusque vers minuit. Une fois les trois équipages en sécurité à bord, le navire fit force de voile pour retrouver la pirogue manquante. On alluma un feu dans les chaudières en guise de fanal, et un homme sur deux guettait au mât. La Rachel chercha toute la nuit les disparus, sans repérer la moindre trace de la baleinière. Son récit achevé, le capitaine Gardiner révéla le dessein qui était le sien en abordant le Pequod. Il désirait que le bâtiment d'Akab se joigne à lui dans ses recherches, en sillonnant la mer à 4 ou 5 milles de distance selon deux lignes parallèles, de manière à balayer, pour ainsi dire, un double horizon. Psst. Flasque ! Je parierais que l'un des hommes de la pirogue disparue portait le plus beau vêtement du capitaine. Ou peut-être sa montre, monsieur Stubb, ne pensez-vous pas ? Je parierais pour sa montre. A-t-on jamais entendu parler de deux charitables baleiniers croisant de conserve à la recherche d'une pirogue perdue au plus fort de la saison de pêche ? Monsieur Stubb, regardez. Voyez comme il est pâle. Pâle jusqu'à l'iris de ses yeux. Regardez. Ce n'était pas un vêtement. Ce devait être... Mon fils. Mon garçon est parmi eux. Pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, Akab. Laissez-moi prendre à louage votre navire pendant 48 heures. Je vous paierai généreusement. Ton fils, capitaine? Pour 48 heures seulement. Oh, vous devez faire cela, vous le devez. Et vous le ferez. C'est donc son fils qu'il a perdu. Je retire ce que j'ai dit du vêtement. Et moi de la montre. L'enfant n'avait que 12 ans. En le prenant ainsi à son bord, son père voulait l'initier précocement aux périls et aux prodiges d'un métier qui constitue le destin, pour ainsi dire, immémorial de sa race. Je ne partirai pas avant que vous ne m'ayez dit oui. Faites avec moi comme vous aimeriez que je fasse avec vous dans un cas semblable. Vous aussi, Aka, vous avez un garçon encore tout jeune qui est au nid à cet instant. Et lui aussi, un enfant de vos vieux jours. Oui, vous vous laissez fléchir, je le vois bien. Courez, courez vous autres, et part à bras séparés. Arrière, que personne ne touche à un seul cordage. Capitaine Gardiner, je ne ferai pas ce que vous me demandez. En ce moment même, je perds du temps. Adieu. Adieu. Dieu vous bénisse, ami. Et puissé-je me pardonner à moi-même, mais il me faut partir. Monsieur Starbuck. Capitaine. Regardez la montre de l'habitacle et dans 3 minutes exactement, avertissez tous les étrangers à bord qu'ils devront le quitter. Ensuite, nous gardons notre cap. À vos ordres. Il pivota soudain et prit la direction de sa cabine, laissant le capitaine étranger médusé par ce refus péremptoire et définitif opposé à sa fervente requête. Gardiner se hâta en silence vers la rambarde, descendit dans son canot, ou plutôt s'y laissa choir, et regagna son navire. Les deux bâtiments reprirent bientôt leur route divergente. Starbuck regarda la Rachel s'éloigner en faisant des embardées de ci de là vers chaque tache sombre qu'elle apercevait sur les flots. On voyait bien à sa marche sinueuse et désolée que ce vaisseau était inconsolé. Des larmes. On dirait qu'il répand des larmes d'écume. Quel est ce verset de l'Évangile qui évoque Rachel, la femme qui ne voulait pas être consolée? Rachel pleurant ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Pleurant ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Non, Pip, non. Je t'ai dit que tu ne dois pas suivre Aqab maintenant. Le rapproche où Aqab voudrait que la peur ne t'éloigne pas de lui, mais aimerait également ne pas te savoir à ses côtés. Il y a en toi, mon pauvre garçon, un remède qui, je le sens, guérirait trop bien mon mal. Les semblables se guérissent par les semblables. Et pour cette chasse, mon mal devient ma plus désirable santé. Reste ici, petit. Tu t'assieras dans mon fauteuil et on te servira comme si tu étais le capitaine. Non, non. Il manque à votre corps quelque chose, monsieur. Usez de moi comme de votre jambe pour remplacer l'autre. Appuyez-vous sur moi, monsieur. Je n'en demande pas plus. Ainsi, je serai toujours une partie de vous-même. Ah... En dépit de l'universelle scélératesse, ces paroles font naître en moi une foi dévote en l'impérissable fidélité de l'homme. Et cela vient d'un noir et d'un fou. On me dit, monsieur, que Stubb a jadis abandonné le pauvre petit Pip, dont les os noyés sont à présent tout blancs, malgré la grande noirceur de sa peau quand il vivait. Mais moi, je ne vous abandonnerai jamais, monsieur. Il faut absolument que j'aille avec vous. Si tu continues à me parler de la sorte, je crains que le dessein d'Aqab ne chavire en lui. Je t'ai dit que non, cela est impossible. Oh, mon bon maître. Continue à pleurer ainsi et je te tue. Prends garde, car Aqab a lui aussi perdu la raison. Écoute, et tu entendras souvent mon talon d'ivoire sur le pont et tu sauras que je suis toujours là. À présent, je te quitte. Ta main. Tu es aussi fidèle, petit, que la circonférence du cercle à son centre. Dieu te sauve à jamais, quoi qu'il advienne. Il se tenait là il y a un instant, et maintenant je suis seul. Si au moins le pauvre Pip était ici, je pourrais supporter cette absence, mais il est porté disparu. Pip ? Pip ? Pip ? Pip ? Hey, qui a vu Pip ? Je vais m'installer dans son fauteuil. Je suis au centre exact du navire. C'est là que les grands amiraux en épaulettes président les repas devant des rangées de capitaines et de lieutenants. Ha ! Les voici. Les épaulettes arrivent en foule. Heureux de vous voir, messieurs. Remplissez donc vos verres. Ce soir, c'est un petit nègre qui reçoit des blancs en uniforme couvert de galons dorés. Bonsoir, messieurs. Avez-vous aperçu un dénommé Pip ? C'est un petit nègre à la mine patibulaire et couard. Il a sauté d'une baleinière jadis. Vous ne l'avez pas vu ? Eh bien, mes capitaines, buvons à la honte des couards. Honte à tous les couards. Honte, honte, honte. À présent, au moment et au lieu fixé par le destin, et après le préambule d'une longue et ample croisière, Akab a traqué son ennemi dans un repli de l'océan pour l'y abattre plus sûrement, tout près de la latitude et de la longitude où il a reçu, quelques années plus tôt, sa suppliciante blessure. À présent, point dans les yeux du vieil homme quelque chose dont les âmes faibles à bord ont de la peine à supporter la vue. Le dessein d'Akab jette un éclat fixe sur le perpétuel minuit de son morne équipage. Les marins vont et viennent muettement, comme des automates surveillés sans relâche par cet œil despotique. Akab est sur le pont nuit et jour, dans l'ouverture de l'écoutille de la cabine, le chapeau profondément enfoncé sur la tête, aussi immobile qu'une statue de pierre. L'humidité nocturne couvre de perles ses vêtements que le soleil du lendemain sèche sur lui. Sa vie n'est plus qu'une veille ininterrompue sur le pont. Fedallah, lui non plus, ne dort pas. Un indéfinissable surcroît d'étrangeté paraît investir cette ombre maigre, furtive, secouée d'interminables frissons, vouée, comme Akab, à son guet mystique. Bien que les deux hommes soient le plus souvent muets et parfois très éloignés l'un de l'autre sur le pont, une secrète et puissante magie les unit. À la lueur des étoiles, ils se regardent, s'observent, comme si dans le Parsi, Akab voyait son ombre portée, et en Akab, le Parsi, sa propre substance échappée. Que voyez-vous ? Ayez l'œil ! Ayez l'œil ! Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis la rencontre de la Rachel, sans que l'on eût signalé le moindre souffle. Akab s'inquiéta. Starbuck ! Monsieur ! Starbuck, approche. Tu vas me faire assujettir une poulie à la pomme du grand mât à laquelle tu attacheras cette chaise de chanvre que j'ai confectionnée. Mais c'est à toi que je confie le soin de me hisser au cacatois, puis d'arrimer l'extrémité du filin au râtelier de Lys. Tu surveilleras le râtelier. Bien, monsieur. Va, Starbuck. Les vigies restent muettes. Est-ce possible ? Suis-je sûr de la loyauté de mes hommes ? Je ne doute pas de celle de mes harponneurs païens, mais... Stubb. Et Flask. Ils seraient fort capables de fermer volontairement les yeux s'ils apercevaient ce que je cherche, moi. Quant à Starbuck, c'est le seul à bord qui ait jamais osé me tenir tête. Il aura désormais ma vie entre ses mains. Ainsi, je verrai jusqu'où peut aller sa témérité. C'est bien ainsi. Moi, dans les hauteurs, j'embrasserai la vaste circonférence des eaux sur des milles et des milles, et c'est moi qui apercevrai le cachalot blanc le premier. Oui, c'est à Akab que reviendra le doublon. Akab n'était pas installé depuis 10 minutes dans la mâture, quand une de ces féroces frégates à bec rouge qui importune si souvent la vigie des baleiniers sous ses latitudes, quand une frégate fondit sur lui en poussant des cris stridents et se mit à décrire autour de sa tête des écheveaux de cercles incroyablement rapides. Akab, dont le regard était posé au loin sur le pâle horizon, ne semblait pas avoir remarqué le rapace. Votre chapeau, monsieur ! Votre chapeau ! Mais déjà l'aile d'ébène effleurait les yeux du vieil homme. Le long bec crochu s'attaquait à la tête et la noire frégate s'enfuit avec sa prise. Une légende rapporte qu'un aigle vola 3 fois autour de la tête de Tarquin l'Ancien, lui arracha sa coiffure et la lui remit ensuite, ce qu'on interpréta comme un heureux présage. Tarquin serait roi de Rome. Mais le chapeau d'Akab, lui, ne lui fut jamais rendu. L'aigle de mer qui l'emportait poursuivit son vol. À l'endroit où il disparut, certains crurent discerner un minuscule point noir qui tombait dans la mer d'une hauteur considérable. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Douzième épisode, avec Christophe Giordano, Ismaël, Jean-Pierre Calfon, le capitaine Akab, Olivier Clavery, Starbuck, Didier Brice, Stubb, Frédéric Lebray, Flasque, Rémi Goutalier, Pip, Jean-Claude Sachaud, le capitaine de la Rachel, et Maurice Anthony, Olivier Arrigui, Grégory Kidel, Abel Aboualiten, Pierre-Jean Pagès, Donatien Guillot, Jacques Leplus, Xavier Cato. Et avec Philippe Brunteau, disparu en mer. Bruitage. Patrick Martinage. Équipe de réalisation. Philippe Carminati, Adrien Roch, Marie Placet, Jean-Mathieu Zande. Moby Dick de Herman Melville est publié sous la direction de Philippe Jaworski à la Bibliothèque de la Pléiade.